On va parler des Sabres de Roberval. La chronique est une commandite d'autobus Véro de Saint-Félicien, également aussi du côté des caisses Desjardins, Domaine du Roi. On parle avec l'instructeur-chef Patrice Gagnon. Salut Patrice. Salut Danny. Et Patrice, en fin de semaine, vous avez joué un match contre Chicoutimi. C'était une défaite de 3-1. Oui, c'est ça. Une défaite de 3-1, là. Le pointage était égal là, à un après deux périodes. Puis en deuxième, là, les Saguenay ont marqué deux buts. Fait que, c'est ça, ça s'est soldé par un revers de 3-1. OK. C'est Guillaume Turgeon qui a marqué le seul but. Est-ce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient natifs ou qui jouaient leur poste? Ben, quand même, là, parce que on avait 6 vétérans qui n'étaient pas de la formation. Là, donc, okay. On avait encore des coupures à effectuer, ça fait que c'est ça, oui. OK. Donc là, est-ce que c'est fait, c'est réglé, là, du côté-là? Oui, ben là, on a procédé à des coupures hier, là. On a coupé deux attaquants, ensuite un défenseur, puis deux gardiens de but hier pour défendre nos joueurs, là, 14 attaquants et 7 défenseurs, puis ensuite, on a gardé 3 gardiens, là, pour la fin de semaine. OK, donc là, il te reste quoi, des coupures? Il te reste une, deux, trois coupures? Ben, c'est ça, il me reste une coupure à l'attaque parce que je veux me garder 13 attaquants. Puis en défensive, on n'a pas encore décidé là, si on allait garder 6 ou 7 défenseurs. Okay. Ça va dépendre un petit peu là, de ce que les joueurs en question vont nous donner en fin de semaine. Là. OK. Si on parlait maintenant du côté de en fin de semaine des deux matchs contre les Éperviers, deux matchs en concours encore? Oui, on joue vendredi là, à Normandin contre les Éperviers. Puis. Samedi, là, on joue à Mestoyatch. C'est les Saguenayens qui reviennent nous affronter samedi soir. OK. Comment tu vois ça du côté des Sabres, que le fait que vous allez jouer à Mestoyatch cette année, est-ce que tu vois ça positivement, négativement? Comment tu vois ça? Ou encore, c'est un domicile? C'est quasiment votre domicile de l'année, là. Ouais, ben là, c'est ça l'échéance. Normalement, après les fêtes, on devrait être de retour là, à Roberval. C'est sûr que on aimerait bien là, être chez nous à Roberval. C'est notre maison, mais je veux dire... On est content, par exemple, de l'accueil des jeunes Mestoyatch qu'on a. Là, les gens sont super gentils. Puis, je pense bien là, que lors des matchs, là, les jeunes de la communauté vont venir voir ça. D'abord, il y a toujours eu des joueurs là, de Mestoyatch qui ont fait partie de l'équipe, soit de Métabetchouan ou soit de Robert Vaz. Fait que, on voit ça positivement. Là. OK. Ben, Patrice, on s'en reparle même pas la semaine prochaine? Oui, même à ma poste, puis je te souhaite une bonne fin de semaine. On rappelle évidemment que cette chronique est une commandite des autobus Véro de Saint-Félicien également, des caisses Domaine du Roi du côté de Saint-Félicien et de Roberval. Parfait.